j'écris ce texte et je ferai comme c'était le dernier. Rime stress, je reste vrai, le ciel s'éteint, je suis mort-né, j'écris ce texte et je ferai comme c'était le premier. Comme si ça faisait 20 depuis que je dormais. Quel cauchemar, faut pas céder, mon gros c'est dur, ça c'est sûr. En pire, j'ai un fait 10 de procédure. Il est tard et nous on fera les comptes du peu que nous possédons. Tes ambitions, tu sais mon rêve, c'est tout ce qui bloque le procédé. Une dernière, puis j'arrête qu'enfin je refuse l'invitation. Ma petite asso, je suis plus proche des Picassettes que de Picasso. Des buts de facettes dans l'arène, mes vers se tournent de mille façons. Des buts de garçons, en vrai y'a juste un manque d'implication. Tu sais, ma mère m'a dit t'es trop violent, pour toi je crains le coup de serein. Et de vaillant, c'est être seul, c'est pas de taper assis sur un. Je me demande si jusqu'au bout je serai sur l'assise du mal. C'est qui tout double, on sait que le problème t'en casse. 6 du mat, plus 42, les rêves je les compte que sur les doigts de la main. Et vu que je m'éloigne, tu quittes la manche, je suis sur les toits de la marche. Dis-moi ce qu'on vit, que c'était la nuit, que personne s'endort de rage. J'ai plus que mon rap et nique sa mère, le volant portera. J'attends que le soleil se lève, à chaque jour suffit sa peine. Le temps c'est l'essentiel, puisqu'on a qu'une seule danse. Chaque jour ses graines de sablier pourvu qu'il nous apaise. Le temps c'est l'essentiel, puisqu'on a qu'une seule chance. On rêve n'ont plus sommeil. Je tourne en rond tard le soir, laissez-moi faire un dernier tour et demain j'arrête. Sur un coup de tête ça part santé, mais ce soir je pars chanter. Loin des soucis d'être un qu'un. Anxieux quand je suis sous shit, non je sens pas l'effet d'être un quatre. Et je dirais tout là ce qui me tracasse, ça la tournée plus que clarin. Ça chatte plus que ses yeux, c'est clinté, j'ai que de la rage. Mes mecs où sont mes vaf, un appétit de député. Plus de savoir où sont les fans, je vais plus savoir où sont les femmes. Parce que je veux la plus simple et je sais même pas moi si je l'aurai. Nique sa mère le bonheur, y'a plus rien qui prolonge nos rêves. Et pourquoi j'y croirais pas? On m'a dit que la route tournait, mais je suis freiné depuis le départ. Je constate qu'aimer c'est dur, j'ai compris qu'elle aimait séduire. La haine nous fait des siennes. Regarde le temps c'est cool, l'amour en période d'essai. En attendant j'écris des 16, je suis seul face à ma plume. Je suis perdu dans mes pensées, me demande pas si ça m'a plu. J'ai le rap pour seul délire, puisque l'amour se fait rare. Je vais l'écrire dans toutes ces lignes. J'attends que le soleil se lève, à chaque jour suffit sa peine. Le temps c'est l'essentiel, puisqu'on a qu'une seule danse. Chaque jour ses graines de sablier pourvu qu'il nous apaise. Le temps c'est l'essentiel, puisqu'on a qu'une seule chance. Les rêves n'ont plus sommeil. Je tourne en rond tard le soir, laissez-moi faire un dernier tour. Et demain j'arrête. J'ai 16 mesures, un stylo, je rappe les mots suivants, se lisent dans le sample. Un seul nom, deux syllabes, ma vie, 26 lettres, 6 dans le sang. Et sans tu le vent, souffler nos vies, ces vices dessinés sous l'étoile. Danse les étoiles dans le ciel, s'endorment les souvenirs sous les toits. Les années valsent, le vide m'essouffle, la vie sert insolide, les leçons. Je laisse mon cœur avant de sortir, j'enfile un sourire, je fais le sourire. Dis-moi compter sur qui, dis-moi qui veut rôder sous le pull. Dis-moi si le ciel pleure cette nuit, dis-moi que les darons des sous le pull. Dis-moi ce qui change, vois ton demain s'ériger rue de la paix. Dans les yeux rouges, la peur, des vices figées la nuit de la paix. Dis-moi que la belle que l'on s'envole, dis-moi du regard ce que c'est le vrai manque. J'assemble et sème des mots. Est-ce que nos cœurs s'aiment vraiment? Tellement seul, accompagné, mal accompagné quand je suis seul. J'écoute les souvenirs, les notes, le vent parle et là je frissonne. On est seul, une arme sur la tombe, si leur tournée le saurait jamais. J'attends le soleil sous les tours, dans un tour de soleil j'arrête. Billy, Billy, Billy. J'attends que le soleil se lève, à chaque jour suffit sa peine. Le temps c'est l'essentiel, puisqu'on a qu'une seule danse. Chaque jour ses graines de sablier, pourvu qu'il nous apaise. Le temps c'est l'essentiel, puisqu'on a qu'une seule chance. Les rêves n'ont plus sommeil. Je tourne en rond tard le soir, laissez-moi faire un dernier tour. Et demain j'arrête, et demain j'arrête, et demain j'arrête, et demain j'arrête. J'attends que le soleil se lève, à chaque jour suffit sa peine. Le temps c'est l'essentiel, puisqu'on a qu'une seule danse. Chaque jour ses graines de sablier, pourvu qu'il nous apaise. Le temps c'est l'essentiel, puisqu'on a qu'une seule chance. Les rêves n'ont plus sommeil. Je tourne en rond tard le soir, laissez-moi faire un dernier tour. Et demain j'arrête. Et demain j'arrête. Et demain j'arrête. Et demain j'arrête. Et demain j'arrête.